Chapitre 2e, l'Église du Saint-Esprit. 11 heures de relevé venaient de sonner au clocher de la grande horloge du Beffroi. L'Église du Saint-Esprit était maintenant glaciale. Dès que le soleil disparaissait, l'humidité et le froid recommençaient à sourdre des murs comme un fluide maléfique. 4 personnes étaient assises devant l'autel de la Vierge sur la droite de la nef. Vu l'heure et l'absence de fidèles dans l'Église, elles avaient pris la licence de s'asseoir sur les prie-dieu comme sur des chaises, leurs genoux commençant à souffrir. « Nom de Dieu !» bougonna l'homme. « Mais qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? On va geler sur place !»« Taisez-vous, mon époux, vous blasphémez. Un peu de patience. Il a dit entre 11 heures et minuit. » L'homme, la cinquantaine bien sonnée, le visage en lame de couteau, ressemblait à un oiseau de proie avec son nez aquilin, ses petits yeux rapprochés et son menton en galoche. Tel celui d'un rapace, son regard luisait d'une flamme mauvaise et ses yeux roulaient dans leurs orbites en tous sens, comme ceux d'une bête traquée. Sur ses genoux qui trémulaient sans interruption, ses mains étaient agitées de mouvements brefs et incontrôlés. Il avait peur, c'était certain, et cet état influait sur son humeur, d'ordinaire calme. Sa perruque de travers, son gilet mal boutonné indiquait assez qu'il s'était préparé dans la plus grande précipitation. « Calmez-vous, mon époux, » murmura la femme. « Si quelqu'un vient, il ne faut pas qu'on nous remarque. »« Et qui nous remarquerait? Que diable, à cette heure, il n'y a personne dans cette glacière. » Elle, au contraire, grasse et tassée sur son prie-dieu, donnait l'image d'une bonne grosse mère bien pateline, aussi mobile qu'un Santibelli. Pourtant, sa bouche, comme fendue d'un coup de rasoir, et son regard noir dénotait une nature amère et dure. Elle renfonça sa coiffe pour se garantir du froid et jeta un regard glacé sur son fils assis à côté d'elle. C'était à se demander si ce grand escogriffe faisait vraiment partie de la famille. Un craquement de boiserie le sortit de sa rêverie et il s'étira comme un chat famélique. Abâchi sur son siège, il songeait à Madame de C. qui avait dû l'attendre dans son alcôve 2 minutes. Peut-être s'était-elle rabattue sur son cocher, comme cela lui arrivait souvent, même en sa présence, quand il manquait de ressort et qu'elle en voulait encore. Son teint disait assez que le seul exercice qu'il prit était sous des draps chiffonnés et poisseux de plaisir. La fille de la famille était plantée sur son siège comme un mannequin de bois, bien droite. Elle dominait tout le monde de la tête. Grande et bien bâtie, elle avait un port de reine, à défaut d'en avoir le charme et la grâce. Sa mère se reprochait toujours de l'avoir conçu avec un métayer de passage, comme s'il n'était pour rien dans sa laideur. « Baisse-toi !» lui glissa sa mère. « On te voit trop !»« Ah, ma mère » fit-elle agacée. « Laissez-moi tranquille, je vous en prie !» On venait de la déranger, perdue dans ses pensées qu'elle avait d'ailleurs très limitées. Pas encore nubile, malgré ses 16 ans, elle possédait l'esprit d'une gamine sans aucune libido. La seule question qui l'intéressait était la satisfaction de son estomac. Pour l'heure, elle avait grand faim et rêvait des cailles aux raisins que la cuisinière avait préparées et qu'elle n'avait pu manger, malheureusement. Roturier anobli grâce au rachat des biens du seigneur de Roncajol, ruiné à Versailles par le jeu et les femmes, Clément Morel, dit maintenant de Roncajol, avait dû subitement mettre un terme, ce matin même, à la jouissance de sa fortune amassée dans son étude notariale. Depuis quelque temps, attisé par leur chef, l'abbé Jean-Joseph Rive, dangereux exalté, les membres de la société des antipolitiques, fervents révolutionnaires, avaient décidé de faire la chasse aux bourgeois trop mous et manquant de convictions républicaines, ainsi qu'aux nobles qui osaient encore dresser leur crête. Or, de Roncajol ne faisait en réalité partie ni des uns ni des autres, mais il avait des ennemis, beaucoup d'ennemis. Il lui était arrivé de sous-estimer volontairement des biens mis en vente dans son étude, de les faire acheter en sous-main par un comparse, puis de les revendre quelques mois plus tard avec un bénéfice substantiel. Il était aidé en cela par son épouse, qui faisait parler les clients en salle d'attente et avertissait subrepticement son mari des bonnes affaires qu'elle subodorait. Personne n'était aussi capable qu'elle pour délier les langues et son flair n'avait pas d'égal dans toute la ville d'Aix. Morel pratiquait l'usure à des taux abyssaux et n'hésitait pas à faire saisir sur le champ en cas de non-paiement. Les grugés finissaient tôt ou tard par comprendre la tromperie. Un marché était un marché, mais ils en étaient quittes pour vouer à Morel une haine éternelle. Rien d'étonnant donc à ce qu'il fût dénoncé par plusieurs spoliés, bien aise de se venger à bon compte. Aussi, ce matin-là, un de ses anciens clercs était venu le prévenir qu'on allait venir l'arrêter avec sa famille pour manque d'ardeur révolutionnaire et suspicion d'adhérer à la société des amis de la religion et du roi. Certains affirmaient lui avoir vu arborer la cocarde blanche, soi-disant signe de reconnaissance de cette société, d'autres certifiaient qu'il était très proche de l'avocat Pascalis, bête noire des révolutionnaires, et par conséquent aussi suspect que lui. Tout cela était rigoureusement faux, mais on sait bien qu'en période troublée, la calomnie est bien plus puissante que la vérité. Vers midi, Ronchin, un ancien valet de ferme, que le clerc avait introduit, vint annoncer à Morel que sa prise de corps était imminente. Il lui proposa de le mettre à l'abri, moyennant une coquette somme d'écus qu'il savait pouvoir lui demander. La moitié fut payée à la conclusion de l'affaire, l'autre moitié le serait dès la mise en sûreté. Un rendez-vous fut convenu dans l'église du Saint-Esprit, où un homme viendrait les chercher, lui et sa famille, entre 11 heures et minuit, pour les amener dans un endroit sûr. Vu toutes les traîtrises dont il était coupable et la menace qui planait sur lui, Morel de Roncajoles ne barguigna pas. « Vous ne le regretterez pas, Moussu, » fit le valet. « Je vous sauve peut-être la vie. Ces furieux ne sont que des brigands qui, sous couvert de politique, ne songent qu'à faire des mauvais coups. » Morel réalisa le plus de liquidités possible en un temps record. Une partie fut cachée dans les vêtements de chacun des membres de la famille, le reste dans une cachette sous les tomettes avec les titres de propriété. Toute la famille garda le secret et personne, même la vieille bonne, ne fut prévenue de la fuite. Le mistral s'est élevé, renforçant la sensation de froid de cette fin novembre. Il s'engouffrait dans le couloir formé par la rue Grand-Saint-Esprit que l'homme, poussé par le vent, descendait à enjambées aussi grandes que le permettaient ses courtes jambes. Chaloupant sa démarche, balançant fort les bras, il faisait penser, par son allure trapue, à un marin, impression renforcée par ses larges bras et sa tunique sans boutonnage. Certes, il était sur un joli coup qui allait lui rapporter gros, mais qui comportait bien des risques. Ne voulant pas compromettre les chances de sa pratique, il avait fait donner un rendez-vous dans un lieu tout proche de chez Morel qui logeait rue de la Masse. Il n'y avait pratiquement qu'à traverser la rue Grande-Saint-Esprit, s'engager dans la rue des Tanneurs qui faisait l'angle de l'église et pousser la petite porte ouest qui donnait près du chœur. Il savait que Morel et les siens n'étaient guère doués pour l'aventure. C'étaient des balourds de bourgeois avec lesquels on pouvait s'attendre à tout. De plus, la rue des Bernardines, toute proche, était le siège de la société des antipolitiques à l'affût de tous ceux qui n'étaient pas révolutionnaires. C'est de cette rue des Bernardines que partaient les escouades qui ratissaient les rues, la nuit, en quête de soi-disant suspects. Avec un peu de chance, les fuyards arriveraient à s'éloigner du quartier entre deux allées venues des excités de la Bérive. L'homme eut la chance de ne rencontrer âme qui vive et poussa doucement la porte du chœur qui, malgré ses précautions, émit un lugubre gémissement. Au murmure que lâcha la famille surprise, l'homme comprit que son monde était là. Dès qu'il les devina devant l'autel de la Vierge, éclairé par une bougie mourante et tassé sur leur prie-dieu, la colère lui vint. Il se planta devant eux et les harangua. « Mais vous êtes complètement idiot, compère. Enlevez-moi ces perruques » gronda-t-il en faisant sauter celle de Morel d'un revers de main. « Et vous » fit-il en s'adressant à la femme. « Détachez-moi ces rubans et ces dentelles. » La mère et la fille enlevèrent leur falbala d'une main tremblante. « Vous avez peut-être pris un drapeau blanc aussi, non » dit-il d'un ton sarcastique. « Et quoi? Qu'est-ce que je vois? Des épées? Donnez-moi ça tout de suite. D'ailleurs, je parie que vous ne savez même pas vous en servir. » Morel et son fils détachèrent leur baudrier, et l'homme alla jeter les épées derrière l'autel de la Vierge. « Si d'aventure on nous cherche des crosses, vous devez passer pour des petits bourgeois qui regagnent leur domicile après s'être attardés chez des amis, c'est clair ?» Puis, après avoir inspecté la famille, il demanda aux femmes s'il leur était possible de relever leurs robes pour ne pas être embarrassées dans la marche. Elles s'arrangèrent avec des épingles prises dans leur coiffure. « Bien, vous allez suivre mon pas. Ne parlez pas, baissez la tête, et si l'on vous souhaite la bonne nuit, répondez poliment et ne vous arrêtez pas. Pour le reste, laissez-moi faire. » L'homme remonta la rue Grande-Saint-Esprit et tourna à gauche dans la rue Beauvaisais. Depuis quelques années seulement, les rues étaient éclairées, grâce à Joseph Dubreuil, ancien maire d'Aix. Mais les lanternes ne donnaient toutefois qu'une chiche clarté, et il était difficile de reconnaître quiconque à plus de 5 cannes. Parvenu au premier tiers de la rue en pente, l'homme perçut des voix d'homme et vit les lueurs de lanterne au début de la rue. « Au bout d'Io !» marmonna-t-il. Il jeta sa troupe sur la droite dans une ruelle sombre, étroite, infecte, le début de la rue de la Nonnerie Vieille. La famille Morel commençait à comprendre que passer inaperçu en ces temps troublés n'était pas chose facile. L'homme continua à les pousser dans ce boyau qui s'élargissait en une espèce de place, donnant à la rue la forme d'une panse. On entendait les voix qui descendaient dans la rue Beauvaisais, de l'autre côté des maisons, et à leurs éclats on comprenait que les hommes étaient avinés. Les fuyards venaient d'éviter une rencontre des plus fâcheuses. Soudain, le guide décela la lueur d'une lanterne, mais cette fois en haut de la rue dans laquelle ils étaient. L'un des patrouilleurs avait eu l'idée de fouiller ce boyau sombre, bien décidé à trouver quelque chose. Il n'y avait guère de recoin où se cacher. Le guide enjoignit les Morel de se plaquer contre la muraille. Il éteignit sa lanterne et se coucha au bas d'une porte comme un vagabond. L'homme aviné descendait de la rue en chantonnant, balançant sa lanterne. Il n'était pas assez saoul pour ne pas apercevoir la famille collée contre le mur, comme si elle eût voulu passer au travers. « Oula ! » s'écria-t-il aussitôt, avec un rire méchant. « Ne voilà-t-il pas une prise intéressante ? Vous soutenez le mur de peur qu'il ne tombe ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous là, à vous cacher à une heure pareille ?»« On s'en retourne chez nous ?» bredouilla Morel, tremblant comme une feuille. « Oui, » renchérit son épouse, montrant plus de cran. « Nous nous sommes attardés chez des amis. »« Ah oui ? Et vous choisissez le chemin le plus malfamé, le plus puant, et sans lanterne en plus ? Allez, vous... » Mais le révolutionnaire ne put continuer sa phrase. Il gémit faiblement et se laissa tomber sur les genoux. Sa lanterne lui échappa. Dans son faisceau, on put apercevoir un filet de sang bien frais qui serpentait sur le sol. Le guide s'était relevé dans le noir et lui avait percé le dos d'un coup de poignard par derrière, atteignant directement le cœur à travers les côtes, pendant que de son autre main il le bâillonnait. « Vite !» dit le guide en rallumant sa lanterne. « Ne moisissons pas ici !» Choqué, sans comprendre quoi que ce fût à ce qui venait de se passer, les Morel suivirent l'homme à petits pas, comme des automates. Ils arrivèrent au haut de la rue Anonnerie-Vieille pour retomber dans la rue Beauvaisais, près du carrefour de la rue Verrerie. « Où allons-nous ? » demanda timidement Morel. « Rue du Griffon, en dessous de Saint-Sauveur, » répondit laconiquement l'homme. Il était hors de question d'emprunter la rue des Orfèvres, axe fréquenté entre la place de la mairie et le chemin de Marseille. L'homme les guida dans la rue de la Sabaterie, plus calme. Un observateur aurait eu plaisir à détailler la bizarre marche de la petite troupe à la façon de la Commedia dell'arte. Le guide se dandinait d'un pas décidé. Morel le suivait en trottinant comme un rat en fuite. La femme donnait l'impression de rouler sur le sol. Le fils lançait ses jambes maigres de part et d'autre. Seule la fille marchait comme un homme normal, si l'on peut dire, à pas compter. Leur guide voulait éviter le voisinage des ruines du palais comtal, lieu malfamé, repère de brigands et de ribaudes, au milieu duquel commençaient à s'ériger les murs de la future prison. Aussi, il préféra s'engager dans la rue de la Boucherie. Arrivé près de la place aux Herbes, l'homme intima au groupe l'ordre de l'attendre dans le renfoncement d'une porte, le temps de s'assurer que la place était déserte. Le beffroi sonnait juste minuit. Dans le fond de la place, en face, une vieille descendait de la rue des Orfèvres à petits pas. La voie étant libre, ils s'engagèrent alors dans la rue des Marchands. Au bout, ils tournèrent sur la gauche, dans la rue Neuve. Parvenu presque dans la rue Saint-Laurent, l'homme entendit encore un groupe approcher. Il poussa brutalement son troupeau sur la droite, dans une impasse noire et puante. Les gens y jetaient leurs ordures par les fenêtres, profitant de l'impunité qu'autorisait l'heure tardive. La fille Morel reçut d'ailleurs une bassine d'épluchure sur la tête. Elle se préparait à hurler quand sa mère lui bailla un soufflet sur la bouche pour la faire taire. « Silence, ma fille. Taisez-vous ou je vous arrache les yeux !» maugréa la mère entre ses dents. Le groupe de révolutionnaires étant passé, l'homme conduisit enfin la famille Morel dans l'angle de la rue du Griffon et de celle de la Porte-Peinte, l'asile étant une maison qui faisait le coin. L'homme ouvrit l'huis d'entrée fermée à clé et les fit pénétrer dans le couloir. Dans le fond, il ouvrit une autre porte qui conduisait à une cave. « Faites attention !» murmura l'homme en les éclairant de sa lanterne. « L'escalier est raide !» La cave dans laquelle il les guida était une vaste salle voûtée encombrée de pièces de bois séchant sur des claies. Quelques chaises et quelques fauteuils sans garniture occupaient également le long des murs. La cave trouvait son aération par un grand soupirail qui s'ouvrait au ras de la chaussée. Dans le fond de la salle, de la paille avait été répandue et quelques couvertures jonchaient le sol. Les Morel dardèrent leur regard de tous côtés, se demandant bien ce qu'ils allaient pouvoir faire dans ce lieu. L'homme remonta l'escalier avec sa lanterne, les laissant dans le noir. « Ne bougez pas, je reviens, » dit-il. « Essayez de ne pas faire de bruit. » À tâtons, de Roncajoles s'assit précautionneusement sur une chaise après avoir éprouvé sa solidité. « Eh bien, » finit-il par dire en soufflant, « tout ça pour se retrouver dans une cave noire. »« Mais père, cet homme nous a finalement conduits en prison ?» s'exclama la fille. « J'ai peur, il fait tout sombre. » « C'est vrai que je ne me sens guère en sécurité, » ajouta le fils d'un ton aigre. « Et s'il ne revient pas ?»« Il reviendra, je vous en réponds. » Bientôt une lueur éclaira l'escalier. Outre sa propre lanterne, l'homme en portait une autre ainsi qu'un seau en tôle muni d'un couvercle. « Voilà, » dit-il en posant l'ustensile dans un coin. « Ça, ce sont les tinettes. Vous les mettrez où vous voulez. » La mère Morel tordit le nez d'un air dégoûté. L'homme reprit l'escalier et disparut à nouveau. « Ça y est, pour le coup, il nous a laissés en plan, » grogna le fils. « Va-t-il falloir nous servir de ça ?» demanda-t-il en désignant le seau avec dédain. « Moi, je vous dis qu'il ne reviendra pas. »« Non, mes enfants. »« Il va revenir, » affirma Morel d'une voix douce. « Il reviendra car il manque la moitié des écus que je lui ai promis. » Effectivement, l'homme revint un quart d'heure plus tard, portant un grand faiteau de terre fumant et un gros pain rond sous le bras. « Voilà de quoi manger pour ce soir et demain matin. Vous vous passerez de couvert. Je vous laisse la louche que vous vous partagerez à tour de rôle. Je vous conseille d'éteindre la lanterne dès que vous aurez mangé. Depuis la rue, on pourrait voir la lumière par le soupirail. Ne faites pas de bruit car il faut que personne ne puisse suspecter votre présence. Ah, j'oubliais, » termina-t-il en se dirigeant vers Morel. Celui-ci comprit ce que désirait l'homme. Il mit la main dans la poche de sa culotte et en sortit une petite bourse de cuir. Il la tendit vers l'homme sans la lâcher. Me direz-vous, mon ami, combien de temps nous allons rester dans une telle situation? Elle n'est guère confortable et vous m'avez demandé suffisamment cher, il me semble. Morel parlait lentement, détachant bien les mots, avec une certaine componction. Il n'élevait jamais la voix. Tout ceci conférait à son élocution une expression aristocratique à défaut de véritable noblesse. « Ne vous inquiétez pas, Moussu de Roncajoles. Vous ne resterez guère plus de 3 jours dans cette cave. Nous allons organiser votre sortie de la ville. Si nous voulons être sûrs, il nous faut préparer votre fuite avec précaution et efficacité. N'ayez crainte et continuez à me faire confiance. » Ce disant, l'homme laissa la famille s'organiser comme elle le put autour du faitout, et leur souhaitant bonne nuit, il leur recommanda encore de ne pas faire de bruit. Puis ils entendirent la clé tourner dans la serrure. « Nous voilà prisonniers !» se plaignit la fille. « Et nous sommes tout crottés, ma mère. Nous puons la merde. Écoutez, je n'y suis pour rien si les rues sont des égouts à ciel ouvert. Nous nous déchausserons et mettrons nos souliers à l'autre bout de la cave. » Le repas pris, la famille s'arrangea sur le lit de paille, chacun fit son trou à sa façon. Les époux Morel se retrouvèrent côte à côte, ce qui ne leur était pas arrivé depuis bien des années. Malgré la fatigue de cette journée mouvementée, il leur fut bien difficile de trouver le sommeil. N'en pouvant plus de ressasser ses pensées, la mère Morel finit par murmurer « Mon époux, est-ce bien vrai que vous aviez des sympathies avec Pascalis ?»« Jamais de la vie, ce sont des racontars. Je ne l'ai croisé qu'une fois dans une affaire, et il m'accordait moins d'attention qu'à son chien. Cet imbécile qui s'acoquine avec la noblesse n'est qu'un paysan dans le fond. » « Tout de même, » souffla la femme, « il ne manque pas d'un certain courage. »« Ah oui, du courage. Le courage de fuir dans sa bastide des Pinchina. » Bien gardé par une cinquantaine de rustres. Bon, il aurait pu fuir en Italie. Et Guiramant, et de la Roquette. Moi, je dis que Guiramant est un imbécile qui n'a pas plus de jugeote qu'une poule. Je l'aperçus hier sur le cours, bombant le torse, marchant à pas compter, défiant les gens du regard. Ah, mon époux, d'un côté des enragés, de l'autre des ânes. Ça ne peut rien donner de bon, je vous le dis. Et cette cocarde blanche, de cette société des amis du roi et du clergé, vous vouliez la porter? Pour rien au monde. Même si j'ai tenu à acquérir un nom noble, pour ma satisfaction personnelle, je n'ai jamais partagé les aspirations de ces nobliaux. Pascalis se voyait peut-être déjà un ange tutélaire de la Provence, l'idiot. J'ai compris mieux que lui que le vent avait définitivement tourné. Le Parlement n'est pas éternel, pas plus que nos privilèges provençaux. Les Marseillais l'ont compris bien plus vite que nous. Nous ne pouvons revenir en arrière. La révolution est un torrent qu'on n'arrête pas. » Un silence se fit dans leur dialogue, la mère Morel réfléchissant aux propos de son époux. « Alors on nous envoie peut-être pour tout autre chose que la politique ?» conclut-elle, revenant à leur propre situation. « Évidemment, la politique n'est qu'un prétexte. Vous savez bien ce qu'on nous reproche, car vous y êtes pour une bonne part, mamie. » La femme se tut par assentiment, mais soudain, elle se souleva sur un coude pour être plus près de l'oreille de son époux. « Et si tout cela n'était qu'un stratagème pour nous soutirer des sous ? Il n'y a peut-être pas plus de dénonciation que de beurre en broche. Vous avez vu la face de l'homme ? Ne vous rappelle-t-elle rien ? Non, je pense que c'est un ancien marin à la façon dont il est accoutré. Eh bien justement, cela me dit quelque chose, mais quoi ? De toute façon, il est de mèche avec Ronchin qui nous l'a proposé. » De Roncajol se remua sur sa couche, l'entretien commençait à l'agacer. « Et après tout, fit-il, qu'est-ce que ça change ? Sortez donc, si vous le voulez, et retournez chez nous. » Là-dessus, il se tourna de l'autre côté et fit mine de s'endormir. Son épouse lui posa une main sur le bras. « Nous nous en sortirons, mon ami, j'en suis certaine, dit-elle, en guise de bonne nuit. »